Les anciens et actuels diplomates de haut rang de Singapour affirment que la menace et le chantage militaire des États-Unis contre notre République ne produiront pas leur effet et que la société internationale doit bien discerner la vérité des informations des États-Unis et de l'Occident et reconnaître la détention des armes nucléaires coréennes. L'ambassadeur itinérant du ministère des Affaires étrangères a prononcé un discours lors d'un séminaire international en Nouvelle-Zélande. Il a dit que les États-Unis ne peuvent pas empêcher la Corée de fabriquer la fusée balistique intercontinentale chargée de l'ogive nucléaire capable d'attaquer le territoire américain. Il a ajouté « Au cas de l'attaque de la Corée par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon seront menacés directement. Les États-Unis perdront toute la confiance de leurs alliés en Asie Nord-Est. L'administration américaine doit commencer les négociations pour la conclusion d'un accord de paix coréo-américain. » L'ancien représentant permanent à l'ONU a inséré dans le journal Straits Times un article titré « De quelle manière erronée la presse occidentale traite la crise de la Corée ?» Il y a écrit « Certains croient aux médias occidentaux qui dénaturent les faits. Le gouvernement coréen n'est pas téméraire en réalité. Il connaît bien que la guerre n'est pas l'unique choix. Les médias américains et occidentaux prétendent le choix militaire contre la Corée. Mais il est naïf de croire que la pression militaire peut exercer une influence sur la Corée. L'expédition au parage de la péninsule coréenne du corps de frappe du porte-avions nucléaire Calbinson est elle aussi une peine perdue. Elle n'a pu intimider la Corée. La pression sur la Corée n'a pas d'effet. Si les États-Unis désirent la paix dans la péninsule coréenne, ils doivent donner une garantie de paix au gouvernement coréen. Les Singapouriens sont tenus de se montrer sceptiques aux informations occidentales sur la Corée et de bien voir si elles sont objectives ou dénaturées.